بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. cours dispensé en direct de Inspeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji حفظه الله. cours numéro 26 الاعتدال في السجود وما يقال فيه. L'équilibre dans la prosternation est ce qui doit être dit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a atharahum wa iktafa. Amma ba'da fa inna asdaq al-hadithi kitabullah wa khayr hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Qala ibn Umar wa in ra'aha an-nasu hasana ma ba'd. Donc, afwan pour le retard, laquelle c'était par rapport au séminaire. J'ai voulu mettre l'affiche, ou plutôt le flyer, qu'on souhaite que toute personne, Inch'Allah, selon ses capacités et selon ses possibilités, il puisse, il y a une cadavre qui a propagé, même dans sa ville. Donc, Inch'Allah, après le cours, on va mettre le lien, même, on mettra l'affiche du séminaire sur le site, Inch'Allah, on mettra un article. Et aux personnes qui peuvent, Inch'Allah, barakallahu fikoum, un ta'awun, il y en a de télécharger le lien, prendre la fiche sur le lien qu'on mettra, Inch'Allah, après le cours, et si possible, de les propager dans vos villes, dans les mosquées, dans les restaurants, il y en a des mata'im, des frères, dans les lieux où ces affiches, Inch'Allah, elles ne seront pas exposées à la détérioration, et qu'à dans le cas, on conseille plutôt les personnes qui souhaitent, Inch'Allah, participer à ce ta'awun, à cette entraide, de propager, Inch'Allah, ce khair, ce bien, de ne pas les afficher à l'extérieur, sur des poteaux ou bien vers les arrêts de bus, dans des endroits où le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pourrait être yani, détérioré, ou bien dans des endroits où on a peur que, mathalan, les pigeons, parce qu'il y a les noms d'Allah qui sont écrits. Il y a certains frères dont leur nom est annexé avec celui d'Allah Azzawajal. Donc il y a à éviter de les mettre à l'extérieur afin que les oiseaux ou bien les pigeons et l'akhirihi ne fassent pas les besoins dessus. Car ça, c'est des choses qui vont à l'encontre de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si jamais vous connaissez des endroits où à l'extérieur il y a des espèces de cadre vitré, ça c'est taïeb, là qu'il y en a à l'extérieur comme ça, les afficher comme yani, c'est le cas de certains flyers qu'on peut voir dans les rues, ça a évité, Inch'Allah. Donc Inch'Allah, celui qui peut, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui indique un bien et qui appelle un bien, il aura en récompense de cela la récompense de celui qui l'aura appliqué. Donc Inch'Allah, at-ta'awun, barakallahu fikum. On commence, Inch'Allah, la révision du cours dernier dans lequel on a pu évoquer la description et les choses qui doivent être observées pendant As-Sujoud, la prosternation. Donc on a pu voir, barakallahu fikum, que As-Sujoud, il fait partie des piliers de la prière. Qui se rappelle du dalil? Le hadith, c'est celui qui s'appelle pas prier, n'am. Donc, il a dit, « Sama jdoud hatta tatma'inna » ساجد وكذلك لآية ذلك الله سبحانه وتعالى لا أخذني سلاح تمام قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا تمام أحسنتم Et ça, c'est l'avis de la majorité, ou bien il y a, comment ça s'appelle, les savants sont tous unanimes sur cela. Il n'y a que le sujoud, c'est un pilier. Unanime. Qui est le jugement d'être apaisé. Le jugement d'être apaisé pendant le sujoud. C'est un pilier. Kadalika, c'est un pilier. Car la hadith le prouve. Son masjoud hatta tatma'inna sajidan. Et prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé dans ton, dans ta prosternation. Et ça, on a pu voir que c'est l'avis de la majorité des savants et non pas l'unanimité, car Abu Hanifa et ceux qui l'ont suivi, on voit que celui qui se prosterne directement sans, pour cela observer la, un apaisement, ils disent que son sujoud, il est valide. Lakin, comme on a pu le voir, le hadith, c'est un argument contre lui. Summa sujud hatta tatma'inna sajida. Prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois à peser dans, dans la prosternation. On a pu voir qu'Adalika, parmi les sifats du sujoud, qu'il fallait écarter les bras. De même, il fallait écarter les bras. Et ça, ça fait partie des obligations, bien, de la sunna dans la prosternation. C'est une sunna. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait et ne l'a pas ordonné. De même, il l'a fait et ne l'a pas ordonné. Mais, comme on a pu le voir, il a ordonné d'une manière globale qui donne à la sunna le premier degré de la sunna qui devient une sunna qui est très recommandée. Car à Nabi sallam, yani la sunna c'est d'écarter comme on a pu le voir. À Nabi sallam, il a dit, ou plutôt il l'a fait, il a écarté les bras jusqu'au point où les rapporteurs ont dit qu'on pouvait voir les aisselles, le blanc des aisselles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire qu'il a bien écarté. À Nabi sallam, il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc ceci appuie la recommandation. T'as même ça appuie la recommandation à Fédal car elle est très recommandée. Dans toute chose qui est recommandée dans la prière. On a pu voir aussi qu'il y a des cas parmi les sunnahs où il y a quel est le jugement de joindre les mains, ou plutôt les doigts, pendant le sujoud. Quel est le jugement de joindre les doigts pendant un sujoud. C'est une sunnah, c'est recommandé. C'est une obligation. Obligation. Sunnah. As-Sahih, c'est que c'est une sunnah. Un Nabi Sassam, il n'a pas ordonné. Il n'a pas ordonné, voilà. Mais il a recommandé. Et c'est une chose, Yanné, qui est recommandée. Ce qui est recommandé, c'était parce que dans ma question, il y avait un petit piège. Ce qui est recommandé, Barakallahu fikoum, c'est que tes doigts soient en direction de la Qibla. Ça, c'est la sunnah. À moins que tes doigts soient joints, ce n'est pas la sunna. Ce n'est pas forcément une sunna. Parce que tu peux joindre, ou plutôt diriger tes doigts vers la Qibla sans pour autant les joindre, sans pour autant que tes doigts soient les uns les autres collés. Donc la sunna, c'est que tes doigts soient en direction de la Qibla. Et il a recommandé cela. D'une manière dont on peut peut-être déduire que c'est un ordre, laquelle on ne connaît aucun des ulama. Dans le hadith dans lequel Nabi Sallam a dit, ou plutôt il a été dit, إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه. Dans ce hadith-là, Nabi Sallam l'ordonne. Lequel on ne connaît aucune des personnes parmi les ulama qu'ils ont évoqué que ceci fait partie des obligations. Malgré que, dans ce hadith-là, c'est un ordre qui est avisé, فليستقبل, qui est l'oriente. Lequel on ne connaît aucun des ulama qu'ils ont évoqué que c'est une recommandation. Ou plutôt que c'est une obligation. Donc la sunna c'est d'orienter les doigts vers la Qibla. Que tu les joindes ou pas, si tu les joins, alhamdoulilah, là qu'il ne faut pas avoir une conviction que le fait de joindre tes doigts, ça fait partie de la sunna. Comment il doit, à quelle hauteur doit-il élever ses mains? Tamam, on a vu qu'il faut les écarter, joindre les doigts, plutôt yani que les doigts sont en direction de la Qibla. Et à quelle hauteur on doit mettre ses mains? À la hauteur de sa tête, à la hauteur de sa poitrine, à la hauteur de ses oreilles, ses yeux, sa bouche, au lobe des oreilles. À la hauteur des oreilles, n'am. Car le hadith, il le prouve. Le hadith, il le prouve. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'ajada, ja'ala ra'asahum bayna yadeh. Il posait sa tête entre ses mains. C'est-à-dire, c'est pas qu'il joignait les mains pour cela. C'est pas ça qui est voulu. Là, ce qui est voulu, c'est que Il mettait sa tête entre ses mains, Et dans un hadith, dans lequel il est dit, il le mettait à l'endroit où il levait ses mains pendant la prière. Et c'est connu, l'endroit où on lève les mains pendant la prière, il y a trois endroits pour cela. Au niveau des épaules, au niveau du lobe des oreilles, ou bien entre les deux. Et le fait que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dans le hadith de Muslim, nous dit qu'il mettait sa tête entre ses mains, ceci nous prouve que ce n'est pas ni au niveau des épaules, et ni entre les oreilles et les épaules. Quant au hadith dans lequel il est évoqué qu'il mettait ses mains à la hauteur des épaules, ce hadith-là, il n'est pas authentique. Ce hadith-là n'est pas authentique. Donc, il y a la sunna, c'est de mettre ses mains à la hauteur des épaules. Quel est le jugement de mettre ses coudes, j'ai dit les épaules, les oreilles. Quel est le jugement, quel est le jugement de mettre ses coudes au sol pendant la prosternation? C'est interdit. Le hadith, pour ne pas ressembler au chien. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه إن بساط الكلب. يعني tenez-vous droit bien dans les sujoud et que l'un d'entre vous ne pose pas ses coudes au sol comme le fait le chien. Donc ça c'est interdit, c'est une interdiction. Un, parce que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit يعدلوا, il a ordonné de se tenir droit, de se tenir correctement. Et deuxièmement, parce qu'il y a une ressemblance avec les chiens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, on n'a pas les mauvais critères, on n'a pas les mauvais critères, les mauvaises qualités, les mauvais qualificatifs. On a pu voir que lorsque, si jamais tu gardes tes mains, pendant un sujoud, il peut arriver que tu faiblisses et tu ressens une difficulté à écarter les mains pendant sujoud. Que t'est-il permis de faire pour cela, pour t'alléger cette difficulté que tu ressens à travers le fait d'écarter les mains, le ramener vers ses genoux? Et ça, même si jamais c'est pas un dalil, je veux dire que c'est ni évoqué dans la kitab ni dans la sunna, et ni kadal et kabar shafi, comme il y a ijmer par rapport à cela. Lakin la parole d'Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu nous prouve cela. Il a dit, Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, sunnat al-rukab, fakhudhu bil-rukab. Vos genoux ont été créés pour une chose, ou légiférés pour une chose, donc aidez-vous de vos genoux, pendant as-sujoud. C'est-à-dire que lorsque tu ressens une difficulté, rabat tes genoux, plutôt rabat tes coudes, mais si jamais tu as la capacité de pouvoir te prosterner avec apaisement, il faut écarter les mains. Sur combien de membres repose la prosternation et le dalil avec cela? Comme vous avez pu répondre, 7. On m'a ordonné de me prosterner sur 7. Il y en a 7 membres. Il m'a ordonné de me prosterner sur 7. Hassan. Dans le hadith, il est dit, Umartu an asjuda ala sab'ati a'dha. Et ça fait partie des piliers. Des piliers de la prière. Ou plutôt de la prière du sujoud. Même 7, vous avez dit 7. Lakin, ce qui est connu, c'est que tu te prosternes sur tes deux genoux. Tes deux mains, ça fait 4. Avec le nez et le front, ça fait 8. Le nez, le front, les deux mains, les deux genoux, le visage est comme 1. Quand même, le visage est comme 1. Hadith Ibn Abbas, il dit, il a le jabha, ou ashara ila anfi. Qala umirtu an astuda ala sab'ati a'dham, qala al jabhatu wa ashara bi yadihi ila fih. Il a anfi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on m'a ordonné de me prosterner sur 7 membres. Il a dit parmi cela le front. Et ensuite, il a indiqué comment ça s'appelle, il a démontré son nez. Pour nous dire que le front va avec le nez, dans le sujoud. Quel est le jugement si jamais je délaisse un de ces 7 membres? Maintenant, la personne, on va dire, qui fait un sujoud sur 6 membres. Et en levant, pour cela, le genou, il fait une prosternation sur les 6 membres et il ne met pas son genou par terre. Prière à l'invalide, et sa raka'a kazalika, elle est nulle. Lakin, certains des ulama, ils disent que Nabi Sallam, il a dit, wajjahtu wajhi ladhi fatara samawati wal ard. Les ulama, ils ont dit, ceci nous prouve que si jamais tu t'es prosterné que sur ton visage, chose qui est impossible, ceci te suffit pour être quoi ? Compté comme un. C'est compté comme une prosternation. C'est un col qui n'est pas ma'akoul, qui sort de la raison. Donc on l'évoque parce qu'il y a une divergence qui a lieu, mais c'est vraiment un col qui est super ba'idjiddan, qui est vraiment distant de toute vérité et de toute existence. Comment tu peux te prosterner sur le visage ? Nas'a Allah yarham ulama'ana. Lakin ba'd al-ahyan, dans certains sujets, ils ont des positions qui sont un peu étranges. Prosterner sur le visage. C'est impossible. Quel est le jugement de. Et quant au pied, quelle est la. Comment on doit être la prosternation ? Comment on doit observer la prosternation et sur les pieds ? C'est quoi le wajib ? Les dresser, t'as même. Est-ce que si jamais j'appuie pas, c'est-à-dire que je laisse juste le bout des pieds, t'as même. Le bout des pieds, il touche le sol. T'as même le bout des pieds, il touche le sol. Sans pour cela, Yannick, je m'appuie dessus. Est-ce que ma prosternation, elle est valide ? Non. La prosternation, elle n'est pas valide. Si jamais tu as juste frôlé, on va dire, tes bouts des pieds, Yannick, parce que ce qui est voulu, dans ces, tu dois te prosterner sur. C'est-à-dire qu'on doit sentir que tu t'es appuyé sur le bout des pieds. Si jamais c'est à peine, Yannick, vous venez frôler le sol avec le bout de tes pieds, t'as même, et on ressent, Yannick, à travers cette prosternation-là, que tu t'es pas appuyé sur le bout de tes pieds, ta prosternation, elle n'est pas valide. Parce qu'il faut que tu t'appuies sur chacun de ces membres-là, t'as même. Si jamais tu t'es pas appuyé sur l'un de ces membres dans ta prosternation, parce qu'elle est dessus, t'as même le fait que tu frôles le sol, Yanni, t'as pas makkan, tu dois bien poser tes pieds. T'as même maintenant, si jamais je me prosterne sur le bout des pieds, t'as même sur l'extrémité de mes pieds, lakin en mettant, c'est-à-dire en mettant les doigts de pied du sens contraire de la qibla, t'as même tout en m'appuyant dessus. Est-ce que ma prosternation est valide? Non. Parce que là, même si jamais il n'a pas observé la sunna qui est de mettre l'extrémité des pieds en direction de la qibla, la kiné s'est appuyée sur ses doigts de pied. Il s'appuie sur ses doigts de pied et ça c'est suffisant pour valider son sujoud. T'as même perçu vraiment que les autres membres qui étaient dans le cas, ils ont été, tu t'es appuyé dessus. T'as même ça c'est une sunna. T'as même c'est une sunna. Qui est dans le cas, parmi la sunna, c'est de quoi ? De rabattre les talons. T'as même que les talons ils se touchent. Les talons ils se touchent et qu'à tel cas, n'est que le pied entre tes pieds, il n'y a pas d'espace. Je veux dire, dans le sens où tu rejoins les talons et tes pieds, tu ne laisses pas un espace. Ça, c'est une sunna, ce n'est pas une obligation. C'est une sunna et ce n'est pas une obligation. Donc, Inch'Allah, on va commencer le cours. Barakallahu fikoum. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais y aller revenir sur une mas'ala. Je vais me revenir sur le mas'ala, sur un sujet qui c'était par rapport au hadith dans lequel il était évoqué, ou plutôt dans le sujet où il était évoqué, qu'il fallait faire précéder ses mains sur ses genoux pour aller en rukou, pour aller en sujoud plutôt. T'amam. Donc parmi les choses qu'il fallait observer, c'était cela. On a pu voir que la vie qui est juste, c'était de faire précéder les mains à ses genoux. T'amam. On avait évoqué pour cela des hadiths. Et je vous avais évoqué un hadith dans lequel il était clair et net qu'il était évoqué que les mains doivent être précédées. Je vous ai dit, ce hadith-là, si jamais il aurait été sahih, yani, je ne pense pas que ce hadith-là est sahih, car si jamais il aurait été sahih, il n'y aurait pas eu de divergence à ce sujet-là, parce que le hadith, il est clair. Donc j'ai pu réviser un peu le hadith, et j'ai vu que Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, il a authentifié ce hadith-là, dans lequel il dit, « La yabruk ahadukum bi buruk al-ba'iyah, wal yada' yadayhi qabla rutbatay » Rawahu Abu Dawud wa ghayruh. Ça a été apporté par Abu Dawud dans le hadith et authentifié par Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, dans lequel il nous a dit n'allez pas au sol comme le fait le chameau. C'est-à-dire, il nous a ordonné Nabi Sassam de ce hadith de poser les mains avant les genoux. Donc ce hadith-là, il est authentique. Ce hadith-là, il est authentique. Donc ce hadith-là, il est authentique, il est clair. Poser les mains avant les genoux. Certains de l'ulama, ils ont invoqué un hadith qui s'oppose à cela, dans lequel il est évoqué cela, lakin, de manière inversée. C'est-à-dire de faire précéder les mains, ou plutôt les genoux, aux mains. Lakin, dans ce hadith-là, il y a un rapporteur qui n'est pas qualifié des caractéristiques qui font qu'on peut prendre ce hadith. Et ce rapporteur-là est Shariq ibn Abdullah, qui est ma'rouf, qui faisait partie des personnes dont le hadith est accepté. Lakin, lorsqu'il est devenu juge, Tamam, il a oublié un peu, sa mémorisation a affaibli et il a commencé à narrer les hadiths avec des erreurs. Donc, depuis qu'il a été juge, les gens n'ont pas pris en considération directement ces hadiths-là, excepté si jamais il y avait quelqu'un d'autre qui témoignait du même hadith qu'il avait ramené. Et là, ce n'est pas le cas. Et certains, ils ont pris un hadith dans lequel un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit نعم إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبرك الفحل. Il nous a dit dans ce hadith là, lorsque vous allez en prosternation, commencez par les genoux avant vos mains et ne faites pas comme le fait le cheval. Dans ce hadith là, il y a un rapporteur qui est vraiment da'if, qui est Abdullah ibn Sa'id rahimahullah ta'ala, dans lequel a qualifié l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala comme quelqu'un étant munkar al-hadith matruk, quelqu'un dont ce hadith là, ces hadiths sont vraiment rejeté, c'est quelqu'un qu'il faut laisser, c'est-à-dire que tu ne prends même pas en considération ce qu'il prend, ce qu'il ramène comme hadith. Même si jamais tu trouves quelqu'un qui témoigne du hadith qu'il ramène, jamais tu prends en considération ce hadith-là, tu fais comme si jamais il n'existait pas. Matruk, c'est-à-dire tu le laisses de côté, quoi qu'il dise, quoi qu'il dise. Même s'il dit la vérité, tu le laisses de côté, car c'est quelqu'un vraiment, hatta, certains des ulama du Jarh wa Ta'dil, ils l'ont qualifié comme quelqu'un yani, qui ment, yakdib. Donc ces genres de personnes-là, qui disent la vérité ou pas, comme ils disent, Yanni Matrouk, sur le côté, on ne les prend pas, on ne prend pas en considération. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Zad al-Ma'ad, il a secouru la vie qui dit qu'il faut précéder les genoux aux mains. Et il a prétendu que le hadith dans lequel je vous ai évoqué au début, qui a été authentifié par Cheikh Mongbel, dans lequel il est clairement précisé qu'il faut faire précéder les mains aux genoux, il a dit que ce hadith-là, il a été inversé. Le rapporteur du hadith, il s'est trompé, et il a rapporté le hadith de manière inversée. C'est-à-dire que lui, il voit que dans ce hadith-là que je vous ai évoqué, tamam, en premier lieu, il voit qu'il était évoqué de la sorte, yani, qu'il pose ses genoux avant les mains. Les ulama ont dit non. Bien au contraire, ce hadith-là, il est bien authentique, et la personne auquel il a été prétendu qu'il a inversé le hadith, il n'y a aucune preuve par rapport à cela. Et aucune preuve par rapport à cela, c'est qu'une prétention. Et, na'am, Cheikh Yahya, hafizahullah ta'ala, yani, il a ramené un hadith vraiment qui appuie le fait que tu dois faire précéder les mains aux genoux. Le hadith qui a été authentifié dans Bukhari wa Muslim, muttafaqan alayhi, selon Al-Bara ibn Azib, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit « Kunna nusalli khalfa al-Nabi, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, falam yanhani ahaduna, ahadun minna dhahrahu hatta yaqa' Nabi sallallahu alayhi wa sallam sajidan, thumma naqa' sujoudan ba'dah. » Dans ce hadith-là, il a été dit que lorsque nous prions derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun de nous n'a incliné son dos pour aller en soujoud jusqu'à ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en soujoud. Après cela, on se mettait à descendre en soujoud et se mettre en position de soujoud. Cheikh Yahya hafizahullah ta'ala, il a eu une déduction qui est vraiment pointilleuse et très juste et qui ferme la porte à ce khilaf-là, à cette divergence-là. Il nous dit, remarquez le terme qui a été utilisé, lam yanhani ahaduna, aucun de nous baissait son dos. Il dit c'est impossible d'aller en prosternation tout en observant cette manière d'aller en prosternation qui est de baisser son dos en premier lieu pour aller en prosternation. Il dit la personne peut pas faire précéder les genoux tout en baissant son dos. Ça c'est clair et net qu'il va finir en soujoud le visage en avant. Même, il va tomber. Ça c'est clair et net. Si jamais tu veux baisser ton dos tout en faisant précéder tes genoux, c'est-à-dire que c'est tes genoux qui vont en contact du sol en premier lieu sans tes mains, ça c'est clair et net, tu vas finir la figure en avant pendant ton soujoud, ta main. Et ça c'est quelque chose qui nous prouve vraiment que, donc il faut faire précéder les mains. Tu inclines ton dos pour aller en soujoud, ta main, et tes mains sont mises en avant pour te réceptionner, tu mets tes mains au sol, et Inch'Allah, ensuite tes genoux. Donc ceci, ce hadith-là, vraiment, vient fermer la porte à ce khilaf-là. Vient fermer sa porte à ce khilaf-là. Et la manière de se prosterner comme le font certains ulama et certaines personnes, comme c'est le cas en Saoudie, c'est vraiment un avis qui est faux et faible. Faux, parce que le hadith nous prouve, selon leur sens, que c'est impossible de faire cela, et faible, parce qu'il n'y a aucun hadith qui nous prouve cela. Les hadiths qui ont été évoqués sont tous da'if, ils sont tous faibles. Et Naram, un deuxième tanbih, par rapport à ma parole, dans lequel je reviens, lorsque j'ai dit que les animaux chez les Arabes, ils ont quatre mains. En vérité, ils ont deux mains et deux pieds. Deux mains et deux pieds. Je m'étais précipité lorsque j'ai regardé dans le dictionnaire. C'est pas quatre pas et c'est pas, ils n'ont pas quatre mains. Parce qu'ils disent des Aïdi. Ils ont deux mains et deux pieds, comme l'humain. La kina sahih, yani ça, en tout cas, leur genou, il est dans les mains. Tamam? Leur genou, il est dans les mains. Les mains de la, chez les animaux, c'est quoi? Barjlofikum, c'est les pattes avant. C'est l'équivalent des pattes avant, dans la compréhension des Européens. Tamam? Les pattes avant, c'est les deux mains chez les Arabes, yani chez les animaux. Et les pattes arrière, c'est les pieds, yani dans la compréhension des Arabes. Comme cela a été rapporté par les imams dans le Nora, Ibn Manzur, celui qui a sahib, yani l'Isad al-Arab, ou l'Azhari, Tazhib al-Lura, ou Kazalika, Ibn Sayyideh, qui nous dit que tout animal qui a quatre pattes, tout même il dit ses deux genoux sont dans ses mains, dans ses pattes avant, c'est-à-dire dans ses mains, et ses chevilles sont dans ses pieds, c'est-à-dire les pattes arrière. Donc voilà, par rapport à ce sujet-là, j'avais souhaité revenir, tout même. Et Kazalika, et comme on a pu le voir à travers le hadith que je vous ai évoqué, d'Ibn Hazib, كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينحني أحدنا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. De ce hadith-là, dans lequel ils étaient évoqués, que les sahabas, lorsqu'ils priaient derrière le prophète صلى الله عليه وسلم, ils n'allaient en soujoud que lorsque le nabi صلى الله عليه وسلم, il s'apprêtait d'aller en soujoud que lorsque le nabi صلى الله عليه وسلم, il était en soujoud. Donc la sunna qui est observée dans ce moment-là, si l'imam dit Allahu Akbar, et ensuite il va en soujoud, tamam? Il va en soujoud, toi tu ne dois pas bouger de ta place. La sunna c'est ça. Tu ne dois pas bouger de ta place jusqu'à ce que l'imam il a posé, yani il s'est vraiment stabilisé en soujoud. Lorsqu'il s'est mis en soujoud, khalas. À partir de ce moment-là, toi tu descends en soujoud, et c'est la sunna qui est à observer. Mais cela, bien sûr, si jamais tu connais que l'imam, il est connu, yani pour le suivi de la sunna pendant sa prière. Amma. Comme c'est le cas de beaucoup d'imams qui s'empressent dans la prière. Certains même d'entre eux ne s'apaisent pas dans la prière, ils n'observent pas les piliers, ou bien ils observent le pilier pour lui, là qu'il prie tellement vite, yani que ça aboutit, comme on a pu le voir la semaine ou plutôt dans le cours dernier, que ça aboutit à ce que yani, tu ne peux pas, toi, derrière lui, observer l'apaisement et les piliers dans ta prière. Tamam. Donc si jamais tu connais de cet imam-là qui ne suit pas la sunna, yani, lorsque tu le vois descendre, c'est seulement une sunna. C'est une sunna que faisaient les sahaba et que le prophète sallam il a approuvé. Donc le fait que le nabi sallam il approuve, ceci nous prouve que c'est une sunna. Takririya, d'approbation. Il n'a pas ordonné une alifa, parce que le nabi sallam il ne priait pas. C'était lui qui présidait les prières. Mais le fait que le nabi sallam il s'est tué sur cela, il n'a rien dit. Donc il a approuvé. Donc ça s'appelle une sunna d'approbation. Donc pour revenir sur ce que je disais, si jamais tu sais que l'imam il n'est pas connu pour le suivi de la sunna, toi Annie, il ne va pas t'amuser à vouloir appliquer cette sunna parce qu'il va te faire louper ta un pilier, tamam, ce qui est le fait de, plutôt une obligation qui est le fait de suivre l'imam, tamam. Donc le fait de suivre l'imam il doit être précédé à la sunna, tamam. Il doit être précédé à la sunna si jamais tu vois vraiment que la personne elle n'observe pas la sunna, tamam. Et pour revenir à la fatwa que j'ai pu vous dire par rapport à la semaine dernière, même, ou plutôt le cours dernier, donc c'est comme j'ai pu poser la question à Cheikh Abu Amr, yani, quel est le jugement de prier derrière une personne qui ne te fait pas observer les piliers dans ta prière, même. Comme on a pu le voir, Mathalan, si jamais tu sais que cet imam-là, il prie tellement vite que tu n'as pas le temps de pouvoir t'apaiser dans la prière, excepté si jamais tu mets un décalage dans le suivi. Cheikh Abu Amr, il a répondu comme je vous ai répondu. Donc, carrément, en premier lieu, il a dit, il prie tout seul. Il a dit, si jamais vraiment c'est une personne qui ne te laisse pas observer tes piliers dans la prière, il dit, c'est marouf. Le fait d'être apaisé dans la prière, c'est un pilier. Il dit, donc, le pilier, si jamais tu ne l'observes pas, ta prière, elle est annulée. Donc, il dit, à quoi bon prier derrière une personne qui va te faire louper, te faire négliger ce pilier-là. Donc, il dit, tu pries tout seul. Je lui dis, mais si jamais maintenant, il en arrivait à décaler un tout petit peu, et en est dans le suivi, il nous dit, il m'a dit, naam, sahih, si jamais il a la capacité de pouvoir décaler un petit peu dans le suivi, sans pour autant que ce soit un gros décalage, c'est-à-dire que lorsqu'il est en soujoud, t'as il s'est relevé du soujoud, toi t'es parti en soujoud. Et dès qu'il s'apprête à se relever, plutôt à repartir en deuxième soujoud, toi tu te relèves à ce moment-là. Il dit la baisse, tu vois. Il dit par rapport à cela, la baisse, mais si vraiment t'as pas la capacité, ou bien ça va mettre un gros décalage, tu pries tout seul. Tu pries tout seul, tamam. Yani, avant tout, tu conseilles l'imam d'observer la sunna et plutôt d'observer Kadalika, parce que c'est une obligation pour lui de faire attention à ce que ceux qui sont derrière lui, Kadalika, tamam, ils appliquent leurs piliers. Donc on le conseille, et si jamais il ne comprend pas, bah, tu pries tout seul. Tu pries tout seul, ou bien si jamais tu as peur que les gens, même, ils te disent, tu trouves que cette mosquée-là, et que cet imam-là, tu as peur que les gens t'accusent d'être un munafiq, c'est-à-dire qu'un hypocrite parce que tu ne pries pas en commun avec les musulmans. Dans ce cas-là, prie avec eux, prie avec eux, et tu recommences la prière. S'il te fait vraiment louper tes piliers, prie avec eux, histoire de pas qu'on t'accuse en vain, et toi tu recommences la prière. C'est le même cas que certaines personnes, ils prient le fajr avant l'heure. Et c'était ma'rouf à l'époque, il y en a, c'est arrivé hatta à certains des gouverneurs, parce que c'était eux qui dirigeaient la prière. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient pour cela? Barakallahu fikoum, ils priaient avec eux, et ensuite ils recommençaient la prière. Donc, je fais comme si jamais c'était Barakallahu fik, yani une tahiyat au masjid avec lui. Comme si jamais tu rentrais, et tu fais une tahiyat au masjid avec lui. Tu mets la niyat sur là. Donc ça c'est la fatwa de Cheikh Wafikoum Barakallah. Abu Amr, hafidhahu Allah ta'ala. Inch'Allah, on revient encore. Qala rahimahullahu ta'ala, al-i'tidalu fi shujud, le fait de se tenir correctement pendant la prostration. Qala wa yajibu alayhi an ya'tadila fi shujudih, il nous dit, il est obligé aux prières de bien se tenir correctement pendant as-sujud. Qala wa dhalika, il va nous expliquer, yani qui est-ce qui est voulu dans le fait de se tenir correctement pendant shujud. Et ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous a dit dans le hadith, yani na'am ibn Abbas, yani i'tadilu fi as-sujud, tenez-vous correctement pendant la prostration. Qala wa dhalika bi an ya'tamida fihi i'timadan mutasawiyan ala jami' a'dha'i sujudihi, il nous dit, et cela passe par le fait que tu t'appuies sur tous les membres de la prostration même d'une manière qui soit équivalente, c'est-à-dire que c'était pas plus appuyé sur les mains que sur les genoux. Yani il faut que tous tes membres soient d'un équilibre, même lorsque tu t'appuies sur tes membres, tamam. Il y en a à peu près, tamam. نعم. قال وهي الجبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين. Il nous dit donc ces membres sur lesquels il doit être respecté, tamam. نعم, qui doit être équivalent dans le fait que tu te reposes sur eux. Il nous dit c'est le front et le nez ensemble, donc le visage, les paumes, les genoux et le bout des pieds. Le bout des pieds. Et le hadith qui nous prouve cela, le hadith d'Ibn Abbas, dans lequel le Nabi Sallam nous a dit « Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'a » On m'a été ordonné de prier, de me prosterner sur sept membres. Et le hadith, on a pu le voir avant. On a pu le voir avant. « Qala rahimahullahu ta'ala, wa man i'tadala fi sujoudihi hakadha faqad itma'anna yaqinan wa l'itmanan fi sujoud rukun aydan » Il dit « Celui qui observe ce qu'il a cité précédemment, c'est-à-dire de s'appuyer de manière équivalente sur ses membres, sur ses sept membres, pendant la prière, on dit, il aura par certitude observé l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui demande d'être apaisé pendant son sujoud et de se tenir correctement. Et il nous dit, le fait de se tenir apaisé dans le sujoud, ça fait partie des piliers de la prière, comme on a pu le voir à travers le hadith de celui qui ne savait pas prier. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « hatta tatma'inna sajidan » et ensuite, prosterne-toi jusqu'à ce que tu trouves un apaisement dans ton sujoud, c'est-à-dire que l'apaisement, yani, il passe par deux choses. Un apaisement dans les membres et un apaisement kazalika de la langue. Tamam, un apaisement de la langue. Car si jamais tes membres sont tous apaisés, c'est-à-dire ils sont posés au sol et tu t'appuies sur ces membres-là d'une manière yani, équivalente, tamam, ça ne suffit pas que tes membres soient apaisés. Ta langue kazalika doit être apaisée. Ton cœur kazalika mara. C'est-à-dire celui qui il fait une prosternation, mais il ne fait pas de dua. Et ni glorifier Allah Azza wa Jal. Juste il se prosterne d'as. Là, il faut que, même si jamais il s'est prosterné, là, il sera athim. Il sera athim. Parce que la prosternation, ce n'est pas juste ressentir un apaisement dans les membres, sans que ton cœur, kazalika et ta langue soient apaisés. C'est-à-dire que tu dois faire des doigts. Tu dois faire kazalika des doigts. Et akal shay, à partir de quel moment on sait que tu t'es apaisé correctement dans ton sujoud, c'est à partir du moment où tu ramènes la chose qui est légiférée parmi les du'as, kazalika, dans ton sujoud. C'est-à-dire que tu dis, Subhana Rabbi al-A'la. Aqal shay, tu le dis au moins une fois. Tu dois le dire au moins une fois afin qu'on puisse juger, yani, que tu as été apaisé après que tu te sois bien appuyé sur tes sept membres. Car la preuve nous prouve cela. Le Nabi Sallam a dit Amma sujoud, fajtahidu fi du'a, fa qaminun an yustajab lakum. Quant au sujoud, faites des efforts à invoquer Allah Azzawajal. Faites rechercher l'invocation d'Allah Azzawajal dans mon sujoud, car c'est plus à même d'être exaucé. Donc il a ordonné à Nabi Sallam, il a ordonné cela. Donc il y a l'être minan, le fait d'être apaisé, ça passe dans, par un apaisement du cœur et la langue, et kazalika, barakalofikum, du. Kazalika des membres. La akin, si jamais tu n'es pas apaisé dans tes membres, c'est-à-dire que tu n'es pas du cœur et de la langue. Parce que le cœur ne suffit pas. Tu ne dois pas chuchoter. Kazalika, ta langue doit bouger. Lorsque tu invoques Allah Azza wa Jalla dans tes sujouds, ce n'est pas juste le cœur. Ce n'est pas un kalam nafsani. La akin, c'est un kalam qu'on doit, et un que toi-même tu dois entendre. Que toi-même tu dois entendre. À moins que tu invoques du fond de ton cœur sans ta langue, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On va le voir, Inch'Allah, que ceci n'est pas suffisant. Même on a pu le voir à travers la parole de l'imam Shafi'i. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Invoquer Allah Azzawajal par humilité et discrétion. Il nous dit la discrétion, le premier degré de discrétion, c'est que tu te fasses toi-même entendre. Et je voulais évoquer un truc avant ça, la norme. Donc si jamais tu as pesé sur tes membres, tu as certes observé ce pilier-là. Si jamais tu n'as pas fait d'invocation et ni tu as glorifié Allah Azzawajal, tu as observé le silence, tu t'es juste prosterné sur tes membres et tu t'es relevé, est-ce que ta prosternation sera comptée telle qu'une prosternation as-sahih naham. Ça sera compté comme une prosternation, lakin tu auras un grand péché, tu auras commis un péché. Tu auras commis un péché qui est que tu n'as pas observé le fait que tu invoques Allah Azzawajal et que tu le fasses la glorification. Parce que ça c'est une obligation. Car Nabi Sussam, il a dit, Amma fi sujoud, fajtahidu fi du'a. Il a ordonné qu'on recherche l'invocation à travers nos sujoud. Qu'à travers nos sujoud, on recherche l'invocation d'Allah Azzawajal, qu'on l'invoque. Donc le fait de ne pas invoquer Allah Azzawajal, ça fait partie des péchés. Parce que ça, c'est une obligation. Il a ordonné, et hatta ce qui appuie cela, c'est qu'il a dit, Sallu kama ra'aytumuni wa salli. Priez comme vous m'avez vu, priez. قال رحمه الله تعالى ويقول فيه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر. Il nous dit, ensuite il dit dans ce sujoud, سبحان ربي الأعلى, trois fois ou plus. Donc il doit le dire à voix haute, plutôt, yani, qu'il se fasse entendre. Ce qui nous prouve cela, أولاً, c'est que le Nabi Sassim, il a dit, comme on va le voir, يعني, كان يقول في سجوده. يعني, ابن حذيفة, plutôt حذيفة ابن اليمن, رضي الله تعالى عنه, lorsqu'il nous a décrit la prière de nuit du prophète sallam, il disait, pendant la prière, pendant le sujoud, il disait, Subhana Rabbiya al-A'la. Donc le fait qu'il dit, il a dit, tamam al-qawl, c'est ma'ruf bi ijma' al-ulama fil lu'a, hatta, al-shaykh l'islam, il a évoqué, que al-qawl, c'est la buddha, que ce soit, yani, que tu as dit une chose qui est mufid, tamam, qui indique un sens, et que ce soit avec, yani, un son. C'est-à-dire qu'on l'entend au moins. Même si jamais c'est un murmure, t'as chuchoté, là, qu'il y a une chose qui s'entend. Tamam. Donc ici, Hudhayfa ibn Yaman, il a rapporté cela, c'est qu'il a entendu. C'est qu'il a entendu. Lakin, c'est pas pour autant qu'il faut élever la voix. Lakin, d'une manière à ce que toi-même, tu te fasses entendre. Ça, c'est bi-ijma' yani al-ulama fil lugha. Al-qawl, la yani, la yutlaq al-qawl illa alash al-sot al-mufid. Illa alash al-lafz al-mufid. Donc ça, bi-ijma' al-ulama. Fi al-lugha kama, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc, il y en a à travers cette ijma'a-là, des gens de science et de la langue, même de la langue arabe, on sait que Nabi Sussam, il a pour cela élevé un peu la voix, c'est-à-dire il s'est fait entendre. Et kazalika, que Hudhayfa ibn al-Yaman, il l'a rapporté, sans dire pour autant que Nabi Sussam lui a dit qu'il fallait dire cela. Il a dit, Kana Nabi Sussam yaqulu fi sujoudihi subhana rabbiya al-a'la. Le prophète sallam disait Subhana Rabbi al-A'la dans ce sujoud. Donc le fait que Nabi sallam l'a invoqué Allah Azzawajal par cela, il est en train de nous décrire les choses qui sont obligatoires. Donc invoquer Allah Azzawajal c'est obligatoire, mais tu as plusieurs manières pour cela. Parmi cela, c'est de dire Subhana Rabbi al-A'la, de dire cette invocation-là. Donc cette invocation-là, elle doit être dite. Ou bien il faut dire au moins une chose qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains de ulama ils voient que tu dois t'en tenir à dire juste Subhana Rabbiya al-A'la. et tu ne dois pas dire autre chose. Lakin, comme on va le voir, il y a d'autres invocations qui ont été légiférées pour cela. Donc le qawl, la parole de dire que tu dois juste dire Subhana Rabbi al-A'la, c'est une parole qui est rejetée. Donc, tu peux dire cela et tu peux dire kadhalika autre chose. Donc la sunna, comme l'a dit Cheikh al-Uthaymi, la Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit de dire au moins trois fois, ou bien, trois fois pour cela, ou bien plusieurs fois. Le dire dix fois, c'est la sunna ou cinq? La sunna, c'est que tu le dises au moins une fois. Ou plutôt, ce qui était obligatoire, c'est que tu invoques Allah Azzawajal. Tu le glorifies ou tu l'invoques. Ça, c'est une obligation. Au moins, d'une manière qui est légiférée. C'est-à-dire, tu dis au moins, Subhana Rabbiya al-A'la. Ou bien tu dis, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli. Par cela, tu l'invoques. Ou bien, toutes les du'as qu'on va évoquer, Inch'Allah, tu l'as dit une fois, ça suffit. À partir du moment où tu l'as dit une fois, tu as accompli l'obligation qui était demandée. Le texte dans lequel le Prophète il a dit Ijtahidu, recherchez à travers vos prosternations l'invocation d'Allah Azza wa Jalla. À partir du moment où tu as dit une fois toutes les invocations qu'on a pu le voir, c'est-à-dire une de ces invocations-là, tu l'as dit au moins une fois, tu as observé quoi? L'obligation. Après, si même tu rajoutes, c'est mieux pour toi, comme on va le voir, et ça fait partie de la sunna. Car comme l'indique le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, rahimahullah, radiyallahu ta'ala anhu fi muslim, dans lequel il a décrit la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a lu Al-Baqarah, ensuite il a lu Al-Nisa, ensuite il a lu Al-Imran dans une raka'a, ensuite il a fait le ruku'. Il nous a dit son ruku', il était semblable à le fait qu'il s'est tenu debout. Donc il y en a, voit un peu tout ce qu'il a lu. Ensuite, il a dit Kadalika lorsqu'il s'est relevé, Kadalika lorsqu'il est parti en sujoud. Et il nous disait qu'il disait pendant son sujoud Subhana Rabbiya al-A'la. Donc le fait qu'il s'est mis en sujoud et qu'il a dit Subhana Rabbiya al-A'la d'une manière, ou plutôt d'une durée qui était semblable à la lecture de l'Baqara de Nisa, et Kadalika barakallahu fikum al-Imran. Donc c'est-à-dire qu'il a répété plusieurs fois. Combien de fois? Wallah a'lam. Un millier, un million, tam, il a répété plusieurs fois. Donc la sunna, c'est de faire, de le dire plusieurs fois, tam, de le dire plusieurs fois. Mais si jamais tu l'as dit une fois, là, khalas, tu as accompli ton obligation. Le répéter, le faire plus d'une fois, ça c'est la sunna. Tam. Donc ce qui nous prouve cela, hadith, hadaifa. Kadhalika, ce qui est légiféré de dire, barakallahu fikum, c'est de dire, subhana rabb, na'am, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma aghfirli. D'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, d'invoquer Allah azza wa jal en l'exemptant de tout défaut et tout imperfection et en évoquant barakallahu fikum yani la perfection d'Allah azza wa jal en le louant pour ses attributs, ses noms et ses faits, et de dire par cela Allahumma ighfirli, de conclure cela par en demandant à Allah azza wa jal qu'il te pardonne. Et comme on a pu le voir, c'est le hadith Aïcha qui est muttafaqun alayhi, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'observer l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a visé dans surat al-Nasr. C'est-à-dire, al-Nasrullahi wal-Fatih, wa ra'ayta al-Nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika, wa astaghfiru innahu kana tawwaba. Donc, glorifie Allah azza wa jal en le purifiant, et demande-lui le pardon, et demande-lui le pardon, car il est pardonneur, il accepte, le repentit. Aïcha nous a dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده النبي صلى الله عليه وسلم il avait pour habitude de multiplier lorsqu'il était en ركوع en سجود de dire cette dua سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Donc ça veut dire si jamais tu dis pas سبحان ربي الأعلى, mais si jamais tu dis cela au moins une fois, ça te suffit pour sortir de l'obligation. Si tu le répètes, c'est mieux. Il dit يكثر أن يقول, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit une fois, plusieurs fois. Kadalika, ce qui était permis de dire, c'est de dire Subhanak wa bihamdik la ilaha illa ant. De glorifier Allah Azza wa Jal en lui attribuant tous les attributs de perfection qui lui sont attribués, que celui lui-même s'est attribué, et de l'exempter de toute impureté qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est exempté. Et d'affirmer la divinité d'Allah Azza wa Jal et que c'est lui-même qui mérite d'être adoré. Et personne d'autre en dehors de lui, comme cela a été évoqué et authentifié par l'imam muslim selon Aïcha. Radiallahu ta'ala anha. Kadhalika, parmi les choses qui sont légiférées, c'est de dire Subbuhun Quddus, Rabbul Malaikati wa Ruh. On a pu le voir, Kadhalika, ça c'est une chose que tu peux dire Kadhalika en ruku'. Yannick, de glorifier Allah Azza wa Jal en disant Subbuhun Quddus, deux noms qui ont à peu près le même sens, qui est d'exempter Allah Azza wa Jal de tout défaut. et de lui attribuer la seigneurie des anges et de Dibril, qui est le seigneur des anges et de Dibril. Kathalika, ce hadith-là, il est authentifié par Muslim, selon Aïcha. Radiallahu ta'ala anha. Kathalika, parmi les choses qu'il est légiféré de dire, c'est de dire Subhanazi, le Jabarut, wal Malakut, wal Kibriya, wal Azamah. De glorifier Allah Azawajal par son attribut de le Jabarut, qui est la royauté, et Kathalika, qui est Allah Subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui assujettit comme il le veut, il en est dans sa royauté. Et que c'est Allah Azawajal qui est qualifié de l'attribut de l'orgueil, l'orgueil qui lui revient, et de l'azama, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est immense. Donc, il y a parmi les choses qui sont légiférées pour cela, et le hadith, il est comme on a pu le voir, il est Hassan, et dans, selon Aurf, ou plutôt Aouf ibn Malik, et Sheikh Mokbel l'a authentifié. Rahimahullah ta'ala. Et Kathalika, parmi les choses qui est légiféré de dire, c'est de dire Allahumma laka sajadtu. وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. يعني كذلك ceci a été authentifié selon Muslim, selon Ali ibn Abi Talib dans le recueil de l'imam Muslim, dans lequel يعني, il y a une grande, un signe d'humilité qui est grand, qui a visé Allah Azza wa Jal, le fait que tu reconnais que tu t'es prosterné pour lui seulement, et que seulement lui, tu as foi, et tu t'es soumis seulement à lui, et que ton visage, la partie la plus noble de ton corps, dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé et a formé, et kadhalika, le fait que tu reconnais la perfection d'Allah azza wa jal dans lui et lui qui t'a donné, dans la vue et lui qui t'a donné, tout cela, tu reconnais sa perfection dans sa seigneurie, subhanahu wa ta'ala. Et كذلك parmi les choses qui sont légiférées de dire, c'est de dire اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. Donc يعني de demander à Allah عز وجل le pardon de tous tes péchés, qu'ils soient grands ou bien qu'ils soient يعني petits, les premiers parmi يعني tes premiers péchés et les péchés à venir, que tu les as fait discrètement, c'est-à-dire en plus tu les as fait ouvertement, même en public ou bien discrètement ou bien yani, de manière cachée. Kadalika, ça a été authentifié par Muslim en privé. Zakallah khairan. Que ce soit fait ouvertement en public ou bien en privé. Authentifié par Muslim selon Abu Huraira. Radiallahu ta'ala anhu. Kadalika, parmi les choses qui sont légiférées de dire, c'est de dire Allahumma a'udhu bi ridak min sakhatik wa bi mu'afatik من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Rapporté par Muslim selon Aïcha رضي الله تعالى عنها. Dans lequel il dit يعني, tu recherches le refuge auprès d'Allah عز وجل de son agrément contre sa colère, le fait qu'il t'épargne de sa punition contre la sanction, de prendre le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre lui, c'est-à-dire contre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te châtie, ou bien contre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réserve un mauvais sort yawm al-qiyamah par rapport aux mauvaises œuvres que tu as fait. Donc tu prends le refuge auprès d'Allah azza wa jal contre la sanction d'Allah azza wa jal, la sanction avilissante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a conclu cette dua en disant qu'il ne peut louer Allah azza wa jal comme Allah subhanahu wa ta'ala le mérite d'être, et c'est lui qui est, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme lui-même s'est attribué la louange. Certains ulama hatta disent dans la ayah de Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, il nous dit Ibn al-Arabi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a loué sa propre personne, ou plutôt l'imam Qurtubi, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a loué avant tout sa propre personne. Yani, tout en sachant que lui-même, il a ordonné à ses serviteurs de le louer. Comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, wa qul alhamdulillah, il dit, louange à Allah azza wa jal. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait précéder sa louange à lui-même, car il sait que les serviteurs ne pourront le louer comme Allah subhanahu wa ta'ala le mérite. C'est pour ça qu'il n'a pas ordonné, yani, dans le premier verset de l'Fatiha, en disant, qul alhamdulillah rabbil alamin, il dit, car il y a une hikmah dans cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, aime la louange, donc il s'est loué lui-même, car lorsqu'il se loue, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, même parmi ses noms et ses attributs, qui lui revient à lui azawajal, et qui connaît sa personne mieux que autre en dehors de lui, c'est pour ça qu'il s'est loué lui-même, car il sait la manière dont il mérite d'être loué, c'est pour ça qu'il a précédé sa louange à lui-même, à le fait d'ordonner qu'on le loue, car jamais tu on ne pourra louer azawajal comme il le mérite. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Je ne peux te louer comme tu le mérites. C'est toi-même tu sais comme tu dois être loué. Donc ça c'est les doigts qui sont légitimes de dire. Et une de ces doigts-là est suffisante, si jamais tu l'as dit une fois, pour être acquitté de l'obligation d'invoquer Allah Azza wa Jal pendant as-sujoud. Pendant as-sujoud. Et من باب الفائدة أيها الإخوة الكرام. Si jamais on sait que al-ruku' plutôt sujoud, c'est l'endroit où tu es le plus proche, on peut dire plusieurs fois dans un même sujoud. Inch'Allah, ma fille, ma nafi d'alika. Il n'y a que l'imam, ou plutôt dans cette qui, Ibn Rajab, je crois, qui dit qu'en gros, que tu peux dire dans sujoud, il y en a tout ce qui a été légiféré. C'est même que tu, parce que certains ont dit, tu peux dire juste subhana rabbi al-a'la. Ils ont dit non. Tu as le droit de dire dans les sujoud tout ce qui a été légiféré. Tout ce qui a été légiféré, tu peux le dire. Donc, on peut ressentir à travers leur parole que tu peux y en varier dans un même sujoud avec toutes les adorations, puis toutes les invocations qui ont été évoquées. Dans la parole d'Ibn Rajab, il y a une chose qui nous prouve cela. Hatta dans la sunna du professeur sallam. Même si jamais on n'a pas un texte y en a qui est clair et net par rapport à cela. Là, qu'il ne fait qu'un abus sur ça, mais il dit Amma fi sujoud, fashtahidu fi du'a. Quant au sujoud, il y en a recherché l'effort d'invocation pendant ce sujoud. Car c'est un endroit qui est plus à même à être exaucé. Donc le fait qu'il nous dit, faites, il y en a recherché les invocations pendant le sujoud, ceci nous prouve que si jamais toi tu ramènes d'une manière variée, là, c'était rentré dans. Il n'y a rien qui l'empêche. Parce qu'Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a ordonné d'une manière qui est générale, et suite à sa sunnah, il a clarifié comment il faisait. Donc, Wallah alam, il n'y a pas de mal. Inch'Allah, on va s'assurer. De cela, auprès de l'ulama, inshallah, ou tabarak wa ta'ala. Afinaka barakallah. Donc, si jamais on sait que le fait d'invoquer est pour le recours, inshallah, kadalik, que tu glorifies Allah Azza wa Jal, c'est la même chose. Wallah alam, c'est la même chose. Amma sujoud, amma rukur, fa'azzimu fihi al-Rabb. Il nous a demandé d'immenser faire Allah Azza wa Jal. Tamam. Donc, comme je vous disais, barakallahu fikum, lorsqu'on sait que As-sujoud, c'est un endroit, c'est une cause parmi les causes pour voir nos du'as exaucés. Car le Messie il a dit Amma na'am aqarabu ma yakun al-'abd min rabbihi wa huwa sajid. L'endroit où tu es le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est lorsque tu es en prostration. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa idha sa'ala 'ibadi 'anni fa inni qareebun ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Et lorsque mon serviteur te demande au sujet de moi, dis-lui que je suis proche de lui. J'exauce la vocation de celui qui m'invoque. Ujibu da'wat ad-da' idha da'an. Lakin, pour cela, c'est pas toute invocation qui est acceptée. Car l'invocation, c'est une dua. C'est plutôt une adoration. Et toute adoration, elle repose sur des conditions à respecter. Comme c'est le cas pour la prière, tu as des conditions. Tu dois faire wudu, tu dois te mettre en direction de la qibla ila akhirih. Tamam. Kadhalika, l'invocation. C'est une adoration, donc toute adoration a des restrictions. Elle a des conditions. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul ba'da hadhihi al-aya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Donc il nous dit s'il veut que je l'exauce, qu'il réponde à mon appel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de prier, qu'il t'ordonne de donner la zakah, qu'il t'ordonne tout ce qu'il t'ordonne dans le din. Il faut que tu répondes. Le fait que, ceci nous prouve que la désobéissance, c'est une cause parmi les causes qui peuvent être un rempart entre toi et le fait que tu sois exaucé. Car Allah, il dit, فَلْيَسْتَجِبُوا لِي, qui réponde à mon appel. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, qui est là, la foi en moi. T'as même qu'il ait foi en moi. Donc ça nous prouve que la mécréance, c'est une cause parmi les causes, et c'est ma'rouf, car Allah subhanahu wa ta'ala jamais va t'exaucer. Tamam. Wa ma du'a ul kafirina illa fi dhalal. Et les invocations des kuffars, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont en perdition, yani

avec un cœur qui est ghafil, qui est inattentif. Il dit, il est semblable à la personne qui veut tirer à l'arc, avec la corde de l'arc, elle est détendue. Il dit, il va tirer avec l'arc, lakin la flèche, elle ne va même pas faire une ligne de 3 cm qu'elle va tomber par terre, elle ne va pas atteindre l'objectif. Kazalika, toi, lorsque tu es en train d'invoquer Allah Azzawajal avec un cœur qui est ghafil, avec un cœur qui n'a pas une pleine conviction, elle est semblable à la flèche qui va partir, mais qui ne va pas atteindre l'objectif. Ta dua, elle va dépasser ta langue, mais abedan, elle va monter aux cieux. Tout comme la flèche qui ne va pas atteindre son objectif. Akada qala, al-imam ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Kadalika, le fait que la personne a fait des péchés, que ses revenus sont des revenus qui sont une source, yannick qui n'est pas halal. Comme dit le hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. الحديث يعني المعروف إلى إيفوكينا نعم أربعة نووية حديث يعني في مسلم سنو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. دو سو حديث نو زادي النبي صلى الله عليه وسلم نو زادي أو فو يعني أو جان نو زابلي نو زادي الله سبحانه وتعالى إي بون إي لم كو les bonnes choses. Et il a ordonné aux mu'min ce qu'il a ordonné aux envoyés. Il leur a ordonné « Ya yuhar rusul kulu minat tayyibat » Allah a dit, ou plutôt il est dit dans le verset « Ô vous les messagers, les envoyés, mangez des choses d'un revenu qui est bon et les choses kadalika qui sont halal et faites de bonnes œuvres. » Et Allah subhanahu wa ta'ala est tout à fait omniscient de ce que vous faites. « Ya yuhar lazina amanu kulu min tayyibat ma arzakanakum » et mangez il nous dit des choses il y en a qui vous sont licites, qui vous sont légiférées, qui sont halal. Ensuite, il évoquait une personne qui était en safar. Il y en a une durée qui est longue pendant le voyage. Et ça, toutes ces choses-là qui sont évoquées, ce sont des moments où les du'as elles sont exaucées. De même, al-du'a fi safar, qui m'a connu besoin de la Torah, al-da'watu fi safar. Il y en a trois choses ne sont pas rejetées parmi les du'as. Et parmi ces choses-là, lorsque tu es en voyage et tu demandes à Allah Azzawajal. Donc ces personnes-là, elles sont en voyage, un long voyage. Ash'atha akbar. Yani, elle est na'am plus sérieuse. Et ash'atha akbar, yani, un peu décoiffée. Comme c'est le cas des personnes qui sont à Arafah. Tamam. Lors du hajj. Il lève ses mains aux cieux. Inna Allah l'estihya ala l'abd idha rufa'a yadah ila sama an yu'iddaha sifran. Allah subhanahu wa ta'ala a honte de lorsque le serviteur lève ses mains vers les cieux, de ne pas lui donner la chose qu'il veut. Donc ça c'est une chose, un sebab parmi les asbab, une cause parmi les causes qui font que tes doigts sont exaucés. Et il dit ya Rab, c'est-à-dire qu'il fait un tawassul, qui met entre ses doigts les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime qu'elles soient mises entre l'invocation et entre l'invocation et la doigt, c'est-à-dire d'évoquer Allah azawajal par sa seigneurie, ou bien kadhalika d'évoquer tes œuvres qui sont salih. Toutes ces choses-là, là, normalement, cette personne-là, elle doit être exaucée. Lakim, pourquoi elle n'a pas été exaucée? Parce que ses aliments ne sont pas halal. Sa boisson kadalika n'est pas halal. Ses habits ne sont pas halal. Et ses sources de revenus ne sont pas halal. Kayfa, comment cette personne-là veut qu'elle soit exaucée? Kama qala subhanahu wa ta'ala, falyastajibuni, qui répond à mon appel. Alors subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il t'ordonne que ton manger, ta boisson, tes vêtements, et ta source, et soit, soit tous halal, toi tu prends une source qui est haram, le manger haram et l'akhirihi, ne va pas t'étonner après dire pourquoi on ne m'a pas exaucé. Donc, de ne pas désobéir à Allah Azzawajal. Ceci est une cause qui va empêcher que tes doigts soient acceptés. Et quand le cas, le fait d'être empressé, comme on a pu le voir, tu t'empresses de vouloir que cette chose-là à soi devant tes yeux, devant tes mains, tamam. Et ça c'est une chose kadhalika qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas exaucer tes doigts. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'awtu fa lam yustajabuni. Ou

dans tes doigts. Il dit ça, c'est une transaction qui est yani, qui ne va pas porter fruit, qui court à sa perte. Tu n'auras pas de fruit et tu ne vas pas trouver de bénéfice dans cette transaction-là. Le fait d'adorer Allah Azzawajal par une invocation qui sort du kitab de la sunna d'une manière continue. Abedan, tu vas trouver une bonne transaction par rapport à cela et un bénéfice dans ta transaction. Et il dit, hatta, ça fait partie d'une grande, de l'injustice et kadalika, de la transgression dans la dua. Et pour finir, par rapport au dua, jazakumullah khairan, c'est bien, comme on a dit, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'invoquer Allah azawajal avec des dua, comme on a pu voir, qui sont globales, qui sont, dont les termes sont peu, lakin dans les sens, ils contiennent des grands sens, des gros sens et des grands sens. Comme si jamais tu avais invoqué Allah azawajal par des milliers de dua, lakin dans une dua qui est concise, lakin qui contient un grand sens. Car Nabi Sussam, il faisait cela comme cela a été rapporté par Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien les duas qui englobent. Un terme, lakin qui englobe. Ça, c'est ce que aimait faire Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il est laissé en dehors de cela les détails. On va continuer parce que c'est simple, c'est juste la lecture. Donc ça, c'était juste un petit conseil pour moi et pour vous, afin que nos duas, inshallah, soient acceptés dans ce moment-là d'une grande humilité dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus proche de nous, afin que nos du'as soient acceptés, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yustahab an yukthira du'a fihi, fa innahu madhannat al-ijaba. Il dit, il est bon et recommandé qu'il multiplie les du'as à ce moment-là, dans ce sujoud, car il nous dit que c'est un moment où les du'as sont acceptés, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aqarabu ma yakun al-abd min rabbihi wa huwa sajid. Le moment où tu es le plus proche d'Allah, azawajal, c'est lorsque tu es en prostration. Ceci nous montre que c'est un endroit dans lesquels les du'a, ils sont acceptés, inshallah, et les ulama, ils sont sur cela. قال رحمه الله تعالى ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم. Il nous dit, son sujoud, il doit être comme à peu près son ruku', comme on a pu le voir. Ceci fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dans le hadith dans lequel il est évoqué, كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الركوع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه من الركوع وفي سجود وبين سجدتين قريبا من السواء ما عدا القعود والجلوس. Donc il nous dit que quatre endroits de la prière dans lequel Nabi Sussan il marquait un temps d'arrêt qui était équivalent lorsqu'il était en recours, lorsqu'il revenait de recours entre les deux prosternations et pendant la prosternation. Et en dehors de cela, il y en a en dehors du moment où il lisait et lorsqu'il était en teshahoud al-thani, le deuxième teshahoud, dans lequel Nabi Sussan il prolongeait un peu plus. Ça, c'est une sunna, et on a pu voir aussi dans un autre hadith d'Anas Ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, dans lequel Nabi Sussan il n'a pas observé de faire de sorte que ces moments-là, les quatre endroits qu'on a pu citer, ils soient d'une durée équivalente. On a pu voir qu'il a, une fois, pendant le recours, et lorsqu'il est revenu du recours, plutôt lorsqu'il est revenu du recours, et entre les deux prosternations, que le prophète il a marqué un temps d'arrêt qui était beaucoup plus grand que dans le recours et que dans As-Sujoud, comme cela a été authentifié par, dans les requêtes de l'imam Bukhari et Muslim, sur Anas ibn Malik, رضي الله تعالى عنه لكال إلى تدي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس صنع شيئا ما رأيت أحدا فعل ذلك فكان إذا رفع من الركوع أن قام قياما طويلا حتى قال يقول الواحد قد نسيه وبين السجدتين حتى يقول الواحد قد نسيه. Donc Anas ibn Malik, il était, lorsqu'il est revenu du recوع et lorsqu'il est revenu entre les deux prostrations, il a marqué un temps d'arrêt qui était tellement long que on aurait pu dire il a oublié sa prière. Et ensuite, Anas ibn Malik a dit donc, je me vertue à prier de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Donc, ceci nous prouve qu'il a tiré cette manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans les deux, tu as une sunnah. Donc, le fait de marquer un temps d'arrêt équivalent, ou bien de ne pas marquer un temps d'arrêt équivalent entre ces quatre positions-là. Qala rahimahullah ta'ala wa yajuzu sujud ala al-ard. وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه. Il dit donc il est possible que il se prosterne directement au sol sans mettre entre le ses membres de prosternation et le sol une chose qui va une chose qui est entre les deux, tamam, que ce soit barthlofi comme il a dit un tapis ou bien un vêtement ou bien comme c'est les petites nappes et l'akhirhi, tamam, une chose qui va venir entre lui, tamam, entre lui, ou plutôt ses membres, de prosternation, et le sol sur lequel il doit se prosterner. Il nous dit, ceci est possible. Lakin al-afdal, c'est que tu pries directement au sol, que tes membres de prosternation ils soient directement, ils touchent, ils soient au contact du sol. Ça, c'est ce qui est préférable de la sunna du prophète sallam, mais c'est ainsi que le nabi sallam le faisait. Ce qui nous prouve cela, le nabi sallam, yani, c'était ma'ruf, une fois, il s'est vu en rêve se prosterner dans le masjid al-Nabawi, à un moment de pluie. Et il s'est vu même, yani, qu'il a vu même sur son front qu'il avait de la terre. Et ce rêve-là, il est arrivé. Hein. Et le nabi sallam, yani, il a prié à ce moment-là, à un jour de pluie, et le sol, plutôt le front au sol, il n'avait pas entre lui et le sol une chose yani, qui était entre les deux. Donc ceci nous prouve qu'il a prié directement au contact du sol. Donc ceci nous prouve que Nabi Sallam, s'il a rêvé que c'était une chose qui était détestable ou bien qui est nuisible à lui, il aurait mis une chose entre lui et son front. Lakin, lorsqu'il a laissé, il a prié de cette manière-là, ceci nous prouve que yani, c'est bon de faire cela, kadalaka. C'est bon de faire cela. Lakin, si jamais tu as vraiment un besoin, tu ressens un besoin, tu vois que le sol il est chaud, il y a une chaleur qui va te nuire pendant ta prière, tu as droit de mettre entre toi et le sol une chose qui va te permettre de pouvoir te prosterner avec aisance. Comme cela a été évoqué, le hadith d'Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, dans Sahih Muslim, dans lequel il a dit ibn Anas ibn Malik, kunna nusalli ma'a nabiy sallam, fayada ahaduna طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود فيسجد عليه. Il nous a dit, il nous est arrivé de prier derrière le prophète sallam, yani dans les moments où il faisait vraiment chaud, jusqu'au point que l'un de nous mettait entre lui et son front un bout de son vêtement afin de pouvoir prier, afin de pouvoir prier. Donc ceci nous prouve que lorsque tu as vraiment un besoin, tu ressens un besoin, maintenant la terre, le tapis il est poussiéreux, il a trop de poussière, ou bien il est comme ça arrive dans certaines mosquées, à certains endroits du masjid, il y a des mauvaises odeurs quand même. Donc, mets entre toi et cette mauvaise odeur une chose qui va permettre d'alléger l'odeur, de t'alléger l'odeur quand même. Amma, si jamais tu fais ça sans raison valable, quand même, ta prière n'est pas annulée. Lakin, c'est mieux de prier comme l'a fait le Prophète sallam, yani directement, et comme il a fait. Ce jour-là, il a mis sa tête directement dans la terre, quand même, dans la terre, dans l'argile, at-tin. Donc, ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et certains d'entre eux, ils ont dit non. Tu dois prier sur une chose, certains ont dit, ceux qui prient sur une chose, yani, c'est pas bon, il a khiri. Donc nous on dit, le afdal, c'est le mieux, c'est que tu ne mets pas. Et si le sol est dur, si jamais tu ressens un besoin, il y en a certains, hatta des mosquées, ça rien, yani, tu vois, entre le tapis, il est un peu fin, pas dans une mauvaise qualité, la kin, il est fin. Tu vas te mettre au sol, tu te relèves du sol, tu as au moins 4-5 traits sur le front, t'as, le front, il est rouge. Et là, tu mets un truc, tu prends un autre tapis, et de préférence un tapis où il n'y a pas de décor dessus, afin que tu ne sois pas chamboulé pendant ta prière comme on a pu le voir. Ça, des motifs. À partir de ce moment-là, il est bon de prendre un tapis, ou bien si jamais tu mets ton vêtement, tu as un bout de ton vêtement dessus, taïeb. Parce que là, c'est une raison. Ça, c'est une raison. Donc, le afdal. Le mieux, c'est de prier au contact du sol. Si jamais tu ressens un besoin de mettre entre toi le sol une chose, fais-le. Et si jamais tu ne ressens pas le besoin et tu l'as fait, tu as délaissé la chose qui est mieux pour toi. Mais ta prière est juste et valable. Wa qala rahimahullah ta'ala wa la yajuz an yaqra al-Qur'an wa huwa sajidun, comme on a pu le voir à travers le hadith d'Ibn Abbas, où le Nabi sallam l'a dit, ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana sajidun wa raki'. Plutôt, il m'a été interdit de lire le Coran pendant le ruku' et sujud, comme on a pu le voir. L'interdiction rentre à partir du moment où tu peux lire des versets du Coran dans lesquels il y a des du'as. Car le meilleur des du'as, c'est le du'as d'Allah Azzawajal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la meilleure des paroles, c'est celle d'Allah Azzawajal. Donc ça rentre dedans les jugements, ça rentre dans les du'as. Donc tout ce que tu trouves dans le kitab, parmi les du'as, ça, c'est les meilleurs des du'as. Toi, tu veux appeler, adorer Allah Azzawajal avec les meilleurs du'as qui se trouvent là, par la parole d'Allah Azzawajal. Qu'Allah t'exauce par sa parole. Donc, si jamais tu veux le faire, tu peux le faire à condition que tu n'intentionnes pas de lire le Coran, mais que tu intentionnes d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu intentionnes d'évoquer et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, mais si jamais tu as l'intention de lire un Coran, tu rentres dans l'interdiction. Tu as mis le nahi. Et qu'à l'éca, Hadith Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, qu'a l'anaha Nabi sallam, an yuqra al-Qur'an, fil ruku'i wa sujoud. Les deux hadiths ont été rapportés par muslims, dans lequel, dans le second, Nabi sallam, il l'a interdit. Dans le premier, c'était, il m'a été interdit, dans le deuxième, il l'a totalement interdit. Il a interdit de lire le Qur'an pendant le ruku'i et pendant le sujoud. Donc, Inch'Allah, on va se contenter de cela. Et je répète, Inch'Allah, pour ceux qui peuvent nous donner un coup de main à propager ces affiches-là et ces flyers, on les remerciera, ils seront très remerciés, surtout Allah subhanahu wa ta'ala va les compter parmi les personnes qui font du ta'awun. Wa qala an-nabi sallam plutôt dans le hadith qudsi, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wajabat mahabbati lil mutabadilin fiyya. Mon amour a été prescrit pour ceux qui s'entraident. Donc inshallah, vous avez à travers le fait de propager ces choses-là, inshallah, et entraide dans le bien, tamam? Fastabiqul khayrat. Encourez-vous dans le bien. Et c'est ce qu'on vous exhorte à faire, Inch'Allah, barakallahu fikum. Et on se contente de ça. Relatif au cours. Donc, Inch'Allah, on va se contenter de cela. Fikum barakallah. Jazakumullahu khayran. مع تحية دماج affaires.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.